Chapitre 11. Le lendemain, vers 11 heures, André sonna à la porte de son ami. C'était l'heure à laquelle, au risque de retarder son déjeuner, il y avait le plus de chances de parler au jeune docteur sans le déranger. Il fut introduit dans le cabinet de Langlois, et c'est avec une grande émotion qu'il serra la main que lui tendait celui-ci. « Ta femme t'a parlé de moi ?» dit André, incapable d'attendre une question. Langlois fit un signe de tête affirmatif. « Ce qu'elle n'a pas pu te dire, » continua le jeune homme, prenant courage, « c'est le respect qu'il y a dans ma tendresse. C'est le sentiment absolu de la nécessité d'épargner des chagrins à cette créature d'élite. Je ne me suis plus senti assez maître de moi-même pour être sûr de ne pas me trahir. Je sais que tu vas me dire de ne plus revenir ici, et cependant j'ai parlé. Je t'assure que j'y ai eu quelques mérites. Et maintenant j'attends ton arrêt. » Langlois garda un instant le silence. « C'est fort malheureux, » dit-il enfin. Et cependant, c'est tellement naturel que nous aurions dû le prévoir tous. Mais c'est aux choses les plus simples que l'on pense le moins. Quelles sont tes intentions ? » André sursauta sur sa chaise. « Quelles intentions veux-tu que j'aie ? » s'écria-t-il d'un ton presque désespéré. « Puis-je avoir des intentions ? Dans la triste situation qui m'est faite, je ne sais rien, je ne puis rien. » « Je n'ai pas besoin de te demander, » fit gravement Langlois, « si dans d'autres circonstances tu aurais demandé la main de ma belle-sœur. Cependant, comme il faut être précis en tout, je te pose la question. Libre, l'aurais-tu épousée ? » ?»« Assurément, avec joie. » »« Assurément, avec joie, si elle avait consenti. » Une autre question se pose. « Libre, je pense qu'elle aurait accepté ta main. Mais dans les circonstances particulières auxquelles tu viens toi-même de faire allusion, je ne sais pas si elle consentirait à subir les épreuves d'une situation aussi embarrassée. » « Je ne comprends pas, » fit André interdit. « Eh bien, pour parler clair, je ne sais pas si Marguerite t'aime, mais si elle t'aime, il faut vous marier. Je ne vois pas d'autre solution. » André, bouleversé, le cœur saisi par cette joie inattendue, lui tendait les deux mains. « Ce ne sera pas facile, » reprit le docteur, tout en mettant les siennes dans les mains offertes. « Ne te hâte pas de te réjouir. Avant tout, il faut savoir si ma belle-sœur t'aime assez pour subir les ennuis et les inconvénients qui précéderont à coup sûr un mariage accompagné de formalités très désagréables. Si elle me demande mon avis, je t'avoue que je lui conseillerais de refuser. » André leva sur son ami des yeux pleins d'angoisse. « Mon cher André, » reprit celui-ci, « je t'aime beaucoup, plus peut-être que tu ne le crois. Mais mon devoir d'homme sensé, je dirais presque de père de famille, et de déconseiller à ma belle-sœur un mariage qui, par la suite, j'en suis convaincu, lui apporterait tout le bonheur imaginable, mais qui, dans le présent, offre des inconvénients sans nombre et des difficultés presque insurmontables. Allons, laisse-moi. Je parlerai avec ma femme, j'interrogerai Marguerite, et je te ferai connaître sa réponse sans tarder. Tout autre jour, je t'aurais dit de rester à déjeuner avec nous, mais tu comprends. J'attendrai chez moi jusqu'à ce que tu m'aies fait savoir quelque chose, » dit l'ingénieur en se levant et en serrant la main de son ami. Il redescendit l'escalier, ébloui, anéanti et navré. Certes, Langlois avait accueilli sa démarche d'une toute autre façon qu'il ne l'avait craint, et cependant, l'avenir hérissé d'obstacles qui se dressaient devant lui était bien fait pour l'épouvanter. Il s'enferma chez lui comme il l'avait dit et travailla avec acharnement jusqu'au soir. Après une longue conversation avec sa femme, Langlois l'emmena dans la chambre de Marguerite. « Ma chère petite sœur, » dit-il. La jeune fille leva la tête et les deux époux purent voir qu'elle avait pleuré. « Nous avons en vous la plus grande confiance, » reprit le docteur. « Depuis que vous habitez notre maison, nous avons eu bien des occasions d'admirer votre courage, votre jugement, votre résignation aux ennuis de l'existence. Toutes ces qualités vont être mises à l'épreuve. On a fait aujourd'hui près de nous une démarche qui vous concerne, et que nous n'avons pas le droit de tenir secrète de vous. Vous avez 20 ans, Marguerite, et vous êtes capable de discerner ce que vous voulez. Soyez prudente, et réfléchissez deux fois plutôt qu'une avant de répondre. Monsieur Juste André vous aime. » Les paupières de la jeune fille battirent deux fois, et deux larmes, contenues dans ses yeux, se montrèrent sur sa joue. Si notre ami André se trouvait veuf, dans les conditions ordinaires, je n'attacherai pas d'importance à ce que le monde considère généralement comme un inconvénient. Mais il se présente ici des difficultés exceptionnelles. C'est une histoire que nous vous avons cachée jadis, parce que vous étiez trop jeune pour qu'il fût utile de charger votre esprit du récit de ce drame, aujourd'hui, vous avez droit à la connaître. En quelques mots, le docteur raconta à Marguerite les détails de cette horrible soirée de Dauphrigny. Elle l'écoutait, les yeux grands ouverts, les mains immobiles sur ses genoux, songeant en elle-même à tout ce qu'avait souffert cet homme si bon et si noble qu'elle aimait. Quand Langlois eut terminé son récit, la jeune fille lui dit « Eh bien, cette femme, est-elle morte ?»« Évidemment, mais on n'en a pas la preuve, et c'est là que se dresse un obstacle peut-être infranchissable. Si l'on n'arrive pas à prouver matériellement le décès de Madame André, il faudra des démarches sans fin. Avec des protections, on arrive à vaincre à peu près tout. Et André a des protections puissantes. Mais il faudra du temps, ce sera très long. » Des années s'écouleront sans doute avant que le mariage puisse se faire. Et pendant ce temps, la situation d'une jeune fille dont les fiançailles seront forcément tenues secrètes sera délicate et pénible. Voyons donc, ma chère enfant, ce que vous jugerez le plus sage. Marguerite ne dit rien. Elle regarda sa sœur comme pour la supplier de venir à son secours. Claire se pencha sur elle et l'embrassa. « Monsieur André vous a-t-il dit qu'il m'aime ?» fit la jeune fille de sa voix douce. « Oui. » répondit Langlois, quoiqu'il fût contrarié d'avoir à le dire, car il sentait bien que tous ses arguments en faveur de la raison allaient être détruits par ce simple mot. « S'il m'aime, qu'est-ce que cela peut faire qu'il y ait des difficultés ? » reprit-elle. « On attendra. » Langlois et sa femme échangèrent un regard. Marguerite ne s'en aperçut pas. « Il a été très malheureux, » continua-t-elle avec quelque hésitation dans la voix. « Il me semble qu'il a droit à un peu de bonheur, vous qui êtes son ami. » « Ce n'est pas à vous de le lui refuser. »« Si je n'écoutais que mon cœur, » répondit vivement Langlois, « André serait ici à cette heure, et c'est moi qui mettrais votre main dans la sienne, car je ne connais pas d'homme qui mérite mieux d'être aimé. Mais la raison... » Marguerite se leva. « Mon frère, » dit-elle, « je n'épouse pas juste André, je ne me marierai jamais. » Claire sait que je ne voulais pas me marier. C'est parce que je croyais que Monsieur André ne pensait pas à moi. » Madame Langlois prit sa sœur dans ses bras et la serra étroitement. Langlois, ému, mit un baiser sur le front de Marguerite. « Ma chère sœur, il faudra alors vous armer de patience. Je vais envoyer prier André de venir ce soir. Nous causons sérieusement. Car la chose est sérieuse et même triste. Ce sont d'étranges préparatifs pour un mariage, mais je ne veux pas mettre trop de noir dans votre âme. » Il sortit, laissant les deux jeunes femmes ensemble, et ainsi qu'il arrive le plus souvent, elles commencèrent par s'embrasser et finirent par pleurer, ce qui fut pour elles une grande douceur.